Stephen King aime les Marlboro, Stephen King aime les camels, Stephen King a écrit Desintox.inc et Anurag Kashyap l'a adapté. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 du Vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris à nouveau, bonjour. Toujours avec moi, bonjour à tous, bonjour Issam. Ça va ? Bah ça va, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps, je m'excuse pour ce hiatus qui est dû à des raisons professionnelles en fait, qui nous ont empêchés de reprendre plus tôt. Je n'ai pas été sur Reims pendant un moment. Mais voilà, on reprend normalement au même rythme qu'avant, donc un épisode toutes les deux semaines. Et on commence comme on l'avait tiré la dernière fois, donc avec No Smoking d'Anurag Kashyap. Je propose qu'on y aille tout de suite. Et ne perdons pas de temps, allons-y. Comme d'habitude, nous allons spoiler la nouvelle et le film, donc si vous ne voulez rien savoir, lisez-la et regardez le film avant. Alors c'est parti. La nouvelle nous raconte l'histoire de Dick Morrison, qui est un très gros fumeur, qui, sur conseil d'un de ses amis, va se rendre à la firme Desintox Inc., qui est assez mystérieuse, l'ami ne veut rien lui dire dessus, sur leur méthode, sur quoi que ce soit, il lui dit juste que c'est super efficace et qu'il va à coup sûr arrêter de fumer. En lui donnant la carte de l'agence. Ouais, c'est ça, il lui donne juste la carte. Donc il s'y rend, et là il découvre que la méthode pour arrêter de fumer est un peu étrange, puisque c'est basé sur la menace, en fait, c'est-à-dire à chaque fois qu'il va être surveillé 24h sur 24, ou petit à petit juste 18h sur 24, mais il saura jamais quand, et dès qu'on le surprendra en train de fumer, on le punira. Et on le punira, genre en le torturant lui, en l'électrocutant lui, ou en électrocutant ses proches, sa femme et compagnie, son fils handicapé, donc c'est pas de la petite punition, voilà. La nouvelle est publiée en 1978 dans le recueil Danse Macabre, Skeleton Crew en VO, qui est sorti en 80 en français. Contrairement à la majorité des autres nouvelles du recueil, elle n'avait jamais été publiée dans un magazine auparavant, c'est une totalement inédite pour le format livre. Elle sera reprise l'année suivante dans une anthologie de Edward Hawke qui recueille les meilleures histoires de détectives de l'année, alors que, bon, pas franchement une histoire de détective, mais soit. Mais non, pas du tout. Même. Voilà, hein. On est content pour elle, elle est bien quand même. Et c'est à peu près tout ce que j'en sais, comme d'hab avec les nouvelles, les informations sont assez spartiates. Et donc on va pouvoir tout de suite passer à nos avis. Chris, qu'as-tu pensé de Desintox Inc? Eh ben, j'ai beaucoup aimé. C'était une lecture très agréable, une lecture qui se fait très vite, parce que ça perd pas de temps, c'est très bien rythmé, c'est une lecture qui est pleine de dialogues. On sait que King, on l'a déjà dit plusieurs fois au fur et à mesure de ce podcast, les dialogues... Bah, il maîtrise, la personnalité de ses personnages, il maîtrise aussi. Les personnages sont même plutôt attachants. Il y a une vraie transformation qui est faite au niveau du personnage de Dick, qui au début est dépeint un petit peu comme un connard, alors pas autant que sa version cinéma, on en reviendra, mais on sait que il n'a pas beaucoup d'amour envers son fils, ça on le comprend, et c'est un amour qui va se découvrir un petit peu une fois que sa famille sera menacée. Donc il y a un petit développement comme ça qui est plutôt intéressant. La nouvelle étant très courte, on va pas non plus s'étaler les masses, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire au final, mais c'est vraiment un très bon moment de lecture. Pareil pour moi, c'est une nouvelle que je trouve un peu différente des autres du recueil, parce que, elle a un côté un peu inquiétant, mais elle est aussi pas mal comique en fait, un humour assez noir. Il y a tout un côté satire dans la manière dont on va lui expliquer le fonctionnement du centre de désintox, on lui explique ça de manière... très propre en fait, très professionnel et très poli, alors que c'est des trucs absolument horribles. Et tout du long, il y a ce ton qui se maintient, même à la fin, quand il découvre que l'ami qui lui avait conseillé le centre, il lui manque un doigt, et que lui vient d'apprendre que s'il passe au-dessus d'un certain poids après avoir arrêté de fumer, on lui coupera les doigts. Donc il y a tout ce côté plus léger qui est très sympa, je trouve. Moi, ouais, niveau rythme, elle est vraiment cool, on met une demi-heure à la lire, un maximum. Oui, c'est ça, elle est très rapide, mais... Comme tu l'as dit, oui, c'est agréable parce que ça sort de ce qu'on a l'habitude de lire dans le recueil. Ce qu'on rappelle, parmi les nouvelles qu'on a déjà traitées dans le recueil, bah, Les Enfants du Maïs. Ouais. qui n'a absolument rien à voir niveau ambiance, parce que là on est vraiment plus sur de la pure terreur plutôt horrifique. Alors que là, oui, comme tu dis, on est plus sur du thriller en fait, sur du thriller un petit peu posé avec un humour noir très présent. Ouais, ça change de ce qu'on a l'habitude de lire dans ce recueil, c'est plutôt appréciable en fait. Je trouve ça assez rigolo que King aussi, quand il écrit une nouvelle sur le fait, alors il était gros fumeur à l'époque, entre autres addictions, et tel qu'il le dit lui-même, enfin c'est longtemps après qu'il a arrêté de fumer lui-même, et je trouve ça rigolo que dans sa nouvelle, en fait, le seul moyen de pousser les gens à arrêter de fumer, c'est de les menacer, en fait. Le mec du centre de désintox le dit lui-même, je vais même pas tenter de vous avancer des arguments raisonnables, de vous parler de santé ou quoi ou qu'est-ce, parce que ça marchera pas. Et on dirait que King, en fait, porte une sorte de regard un peu amusé sur lui-même et sur sa propre addiction à la cigarette. Et mais c'est au final, après, comme les vrais fumeurs de notre monde véritable, oui. C'est que moi-même, en tant qu'ancien fumeur, j'avais conscience, comme tous les autres, que, bah oui, effectivement, c'est très dangereux pour la santé, ça peut provoquer de nombreuses maladies, mais, bah, on continue. Oui, par habitude, tout ça. C'est ça. Ça aussi, c'est une grosse différence avec le film, je trouve. La nouvelle n'est pas tellement un pamphlet vraiment anti-tabac. Contrairement au final du film qui, lui, par contre, te martèle bien dans la tête que il faut pas fumer. Ah, même dans le film, je suis... D'après le réalisateur, en tout cas, c'est pas du tout le sens qu'il lui donne. Hein. Le réalisateur est fumeur lui-même. Alors on y reviendra, mais... ouais, on y reviendra. Ouais. Mais voilà, je trouve pas que la nouvelle te martèle ça en tête comme si t'étais un abruti, quoi. Non, c'est plus une histoire de choix, finalement, parce que la cure de désintoxication n'est pas non plus montrée comme quelque chose de bénéfique, étant donné la manière dont elle fonctionne. Oui. C'est une bonne lecture, très sympathique, avec ce, comme tu l'as dit, ce centre de désintox, même pas caché aux yeux du monde, d'ailleurs. Oui. C'est aussi une grosse différence avec le film, on y reviendra. Ouais, oui, ils ont vraiment leur grand bureau, c'est vraiment une start-up en fait. C'est ça, tu peux y rentrer comme ça, il n'y a pas de soucis. Il y a aussi cette thématique qu'on retrouvera dans le film, où le fait d'arrêter de fumer améliore aussi, c'est aussi une amélioration morale du personnage, c'est ce que tu disais par rapport à sa relation à son fils handicapé notamment, auquel il s'attache de plus en plus, c'est comme si on soignait en même temps son esprit. Et son âme. Ouais. Moi, c'est tout ce que j'ai à en dire. Pareil. Et donc, on va pouvoir passer au film. Eh ben, allons-y. सिगरेट बहुत पीता है। What slamming your wife got to do with smoking? सिगरेट गुड़का बीड़ी तम्बाकू चारों का इलाज है बाबा बंगाल के। What the hell do you think you're doing? ये सांस से चिला हूँ आज बंद रे किचन में बाथरूम में बेडरूम में तेरी जिंदगी ऐसा बुरा सपना बन जाएगी तुझे समझ में नहीं आएगा तेरे साथ हो क्या रहा है. La nouvelle avait été adaptée une première fois dans le film à sketch Cat's Eye de Lewis Teague. Et l'adaptation dont nous allons parler aujourd'hui, No Smoking d'Anurag Kashyap, est une adaptation officieuse. Donc le réalisateur avoue clairement qu'il s'est basé sur cette nouvelle, que ça a été un des points de départ de l'idée du film, mais il n'y a pas d'achat des droits, effectivement c'est une adaptation très libre dans tous les cas. Le nom de King ne figure même pas au générique, que ce soit générique d'intro ou générique de fin. Ouais, il n'est pas du tout mentionné. C'est le troisième film d'Anurag Kashyap, qui est un réalisateur indien en langue hindi, donc c'est vraiment Bollywood, pour le coup, clairement. Et du coup c'est le premier film bollywoodien que nous traitons dans cette émission. Oui, et le seul, parce que l'autre film indien adapté de King, si jamais je trouve des sous-titres, il n'est pas bollywoodien. Après, attends, cette émission est loin d'être finie. Peut-être oui, que d'ici oui, quelques aussi. Années... Peut-être qu'il va y avoir une vague d'adaptation de King à Bollywood. Voilà. Les trucs de 3 heures. Voilà, vivement que le cinéma nigérien s'y attache. Ouais, vivement qu'ils adaptent Les Enfants du Maïs aussi. Donc, Kashyap a commencé sa carrière dans le cinéma en tant que scénariste, avant de passer à la réalisation avec un film qui s'appelle Punch, qui suivait, semble-t-il, un groupe de jeunes personnes qui sombrent peu à peu dans le crime. Mais le film n'est jamais sorti en salle à cause de la censure, puis de problèmes du producteur. Donc il y a un DVD qui existe, mais qui est extrêmement rare. Et son deuxième film, qui s'appelait Black Friday, c'était un film sur les attentats à la bombe qui ont eu lieu à Mumbai en 1993. Et le film a été terminé en 2004, mais encore une fois, à cause de la censure, il n'est sorti qu'en 2007. Donc en fait, quand il tourne No Smoking, aucun de ses deux précédents films n'était sorti. Alors qu'il s'agit de son troisième, du coup. Alors qu'il s'agit de son troisième, ouais. Le réalisateur, en fait, aura de toute façon régulièrement de ce genre de problème avec la censure. Sur No Smoking, il en a eu parce qu'on a des personnages fumés. Enfin, quasiment tous ses films, à un moment, ont des problèmes, mais finissent par sortir quand même. C'était son plus gros budget à l'époque, 3,2 millions de dollars, et ça le restera un moment parce que le film va être un énorme bide au box-office indien, donc pendant un temps, il va devoir largement revoir ses ambitions à la baisse. Et depuis, Kashyap a continué une carrière d'auteur assez en décalage avec les normes de Bollywood. Donc déjà par les thèmes qu'il traite et aussi par sa façon de filmer, par le fait qu'il y ait souvent assez peu, voire pas du tout, de numéros musicaux, et quand ils sont là, c'est rarement les personnages eux-mêmes qui chantent, c'est vraiment qu'il y a des... Enfin, ils sont dans des lieux où il y a des gens qui font de la musique. C'est amené de manière intradigétique. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez différent. Il est reconnu comme un auteur et la majorité de ses films sont des assez gros succès critiques, mais ses performances au box-office, en revanche, sont beaucoup plus en dents de scie. Il y en a qui marchent très bien, il y en a qui sont des bides monumentaux, et ça c'est vrai aussi pour sa carrière en tant que producteur. No Smoking est un peu à part parce que la critique indienne elle-même l'a massacré à l'époque, par contre il a beaucoup marché dans certains festivals en fait à sa sortie, donc tout de suite il a eu une réception un peu ambivalente entre des festivals de cinéma qui le recevaient très bien et qui en ont fait une sorte d'œuvre culte, et la critique et le public indien qui, eux, l'ont totalement descendu. D'ailleurs, son aspect à l'intrigue très surréaliste, ça reste unique dans sa filmographie, sinon il fait plutôt des thrillers, parfois assez sombres, mais avec une vraie histoire construite, plus terre-à-terre, ouais. Alors, on va résumer tout de même un peu l'intrigue du film à ce stade-là, parce que, comme je l'ai dit, elle va pas mal différer de celle de la nouvelle. Donc on suit un personnage qui s'appelle K, c'est une référence à des personnages de Kafka, selon l'auteur. K, enfin, et juste K. Oui, c'est... répété plusieurs fois dans le film. Oui, c'est répété plus... Ça, c'est assez rigolo, parce que du coup, t'as ce truc de film un peu d'auteur, mais tous les personnages, je trouve ça bizarre, en fait. Oui. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc, il y a une personne très égocentrique et très gros fumeur, qui décide de rejoindre un programme pour arrêter de fumer sur conseil d'un ami après que sa compagne, Anjali, ait menacé de le quitter. C'est sa seule motivation. Il y rencontre, alors attention, Shri Shri Prakash Guru Gantal Baba Bengali Sidalwale. Guru autoproclamé fils d'Hitler. Voilà. Ça c'est tellement perché. Qui lui dit qu'à chaque cigarette, il sera désormais puni, d'abord par la torture de son frère qui sera enfermé dans une pièce pleine de fumée de tabac pendant 5 minutes, ensuite par la perte de deux doigts de la main, puis par la mort d'un proche, etc., etc. Plus les menaces avancent, plus elles deviennent floues en fait. Moins on sait exactement en quoi ça a consisté. Mais on se doute que c'est de plus en plus énorme. C'est ça, et peu à peu, en fait, le parcours du héros va être de plus en plus surréaliste, c'est-à-dire ce qui va lui arriver autour de lui, on va de plus en plus se demander si ça relève de la réalité ou d'une sorte de rêve... Ou du mysticisme. Voilà. Au départ, Kashyap avait contacté Shah Rukh Khan pour jouer le rôle principal. Donc Shah Rukh Khan, c'était à l'époque, en tout cas, la méga superstar du cinéma indien, le jeune premier qu'on voyait dans tous les grands films qui marchaient bien, quasiment. Tom Cruise, Bollywood, hein. Oui, on peut dire ça, ouais, un peu. Mais ce dernier, qui avait accepté au départ, se désiste sans qu'on sache exactement pourquoi, et comme Kashyap avait pas une très bonne réputation, à cause du fait que tous ses films ne sortaient pas, le seul qui va accepter le rôle, c'est John Abraham, qui a dû, d'ailleurs, alors selon les sources, soit reprendre, soit commencer le tabac pour le film, en fait. Apparemment, pour se plonger dans le rôle, il en était à 90 clopes par jour, le mec. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, l'acteur raconte que quand Kashyap est venu lui proposer le film, il a commencé par lui faire le résumé d'un film absolument nul, que Abraham a refusé, et en fait, c'était une astuce de Kashyap pour tester la mentalité de son acteur. Il venait d'imaginer un pitch, le film, en 5 minutes dans la voiture en arrivant, Et du coup, c'est en voyant que l'acteur avait une éthique à ce niveau-là et qu'il refusait ce truc nul qu'il lui a proposé No Smoking derrière. D'accord, malin. Ouais. Celle qui joue la femme de K, Anjali, ainsi que sa secrétaire d'ailleurs, elle joue deux rôles, c'est Ayesha Takia. C'est d'ailleurs très perturbant. Oui, c'est assez surprenant. J'y reviendrai, mais c'est très perturbant. Ouais. Donc comme Abraham, elle en était dans ses premières années en tant qu'actrice, mais elle était déjà assez connue. Les deux avaient eu des carrières de mannequin auparavant. Je ne vais pas beaucoup insister sur les acteurs et actrices, parce que bah, du coup, je les connais pas en fait, je connais rien de leur carrière, j'ai rien vu. Ils ont tous les deux eu des carrières, mais j'ai rien vu dedans à part No Smoking en fait. Et Don, dans le cas d'Abraham aussi, qui est un film sympa, avec Shah Rukh Khan. Et l'acteur le plus vétéran du casting, c'est celui qui joue le gourou, qui s'appelle Paresh Rawal, qui a une filmographie assez bluffante parce qu'il joue depuis 30 ans et il a genre des fois jusqu'à 10 films par an. Donc bon, le mec a une filmographie monumentale, et visiblement une sorte de légende dans le cinéma indien. Au niveau du tournage, donc comme aucun de ses films n'était sorti à l'époque, Kashyap avoue plus tard dans les interviews qu'il était assez en colère au moment de tourner No Smoking et que c'est aussi un peu une sorte de défi contre l'ordre établi à Bollywood. On y reviendra dans l'interprétation possible qu'on peut donner au film, enfin celle que donne Kashyap en tout cas. Ça, cette situation fait assez sens. Et Abraham dit que Kashyap aussi lui laissait beaucoup de liberté sur le tournage et que pas mal de choses étaient changées au dernier moment. En fait, ils avaient le script qu'ils suivaient relativement au fur et à mesure, au moins pour donner une direction, mais ils n'étaient pas attachés au script au mot à mot. Ce qui est quelque chose qui a pas mal plu à l'acteur, apparemment. Certaines scènes ont été tournées en Ouzbékistan, donc par des températures très froides, et il y a un des acteurs qui joue les gardes qui courent après K dans une scène qui a fait un malaise. Voilà. Petite anecdote, à cause du froid, voilà. Et de l'altitude. La musique est composée par Vishal Badwaj, désolé pour la prononciation, et les paroles sont de Gulzar. Là aussi, les deux ont une carrière assez impressionnante, mais pareil, je vais pas insister dessus, vu que, encore une fois, j'en connais pas grand-chose. Je trouve que la BO est vraiment sympa, donc il y a plusieurs chansons, comme je l'ai dit, mais qui sont vraiment intradiégétiques. C'est, par exemple, les personnages vont aller dans un club un peu de jazz, et il va y avoir un numéro sur scène sur lequel la caméra va pas mal insister, et la chanson va être assez mise en avant dans le mixage, mais ça reste assez différent des numéros musicaux bollywoodiens habituels. Toujours des chansons en rapport avec la cigarette. Ouais, toutes les chansons ont rapport avec la cigarette. Sinon, au niveau style, elles changent pas mal, et je les trouve vraiment chouettes, les chansons, pour toutes, le coup. Ouais, toutes sont vraiment sympas. Il y en a même une en conclusion du film, tu sais, t'as un début de générique, ouais. Et après, t'as une scène post-générique où c'est justement un numéro de cabaret, parce que le personnage se rend dans un club qui s'appelle No Smoking, et celle-là aussi est vraiment top. Vraiment, tous les numéros musicaux sont vraiment chouettes, et le fait qu'ils soient intégrés de manière aussi naturelle au film, si on n'est pas habitué au cinéma bollywoodien, bah ça choque pas en fait. Ouais, oui, ça passe assez naturellement. À ce niveau-là, c'est vraiment une constante de tous les films de lui que j'ai vus. À chaque fois qu'il y a des chansons, c'est intégré à peu près comme ça. Alors, au niveau de la réception actuelle sur les sites habituels que je regarde, le film a aujourd'hui 46% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 14e des films qu'on a vus jusqu'à présent, et 3,2 étoiles sur Allociné, ce qui le place 5e. C'est pas une note dégueulasse. Non, c'est pas mal. Il est plutôt bien apprécié par ceux qui l'ont vu. Après, Kashyap a avoué qu'il a assez mal vécu la mauvaise réception du film. En 2011, il disait d'ailleurs que No Smoking était son favori parmi tous les films qu'il avait fait jusqu'alors. Je sais pas si ça a changé depuis, j'ai pas trouvé d'informations plus récentes. Au niveau de l'interprétation à donner au film, du moins de celle que donne le réalisateur Anurag Kashyap, l'avantage c'est qu'il y a pas mal d'interviews lui qui reviennent sur ce film. Là, je cite le réalisateur, « C'est un combat de l'arrogance contre encore plus d'arrogance, la liberté de choix contre la censure, la liberté finit par perdre, ils ont eu votre âme. » Donc en fait, Kashyap précise aussi que les doigts coupés, donc la deuxième des punitions, ceux qui permettent de tenir une cigarette sont aussi ceux qui sont nécessaires pour tenir un stylo. Et donc pour lui, ça poursuit cette métaphore à la fin, K est devenu un corps sans âme, qui va chercher à embrigader d'autres personnes, en plus. En fait, l'idée que voulait transmettre Kashyap, c'est que si l'attitude initiale de K est purement répréhensible, vu qu'il est extrêmement égocentrique, enfin c'est vraiment un connard comme personnage, ce que reproche le réalisateur, c'est que le programme lui laisse aucun choix de changer, et il trouve regrettable qu'il y ait une obligation morale par la menace, et que finalement on le force à aller dans une direction donnée, qu'on lui laisse pas le choix de s'améliorer. En fait, il dit lui-même qu'il s'identifie pas mal à K en tant que réalisateur, qu'on peut voir en fait, qu'on peut identifier l'addiction de K à la cigarette comme lui, son combat et ses idées de réalisateur, et que le gourou ce sera en fait la censure. En fait, ce qu'il reproche, c'est que la censure cherche à... En fait, il se reconnaît lui-même, Anurag Kashyap, comme potentiellement arrogant, mais ce qu'il reproche à la censure, c'est de vouloir tout simplement saquer ce qu'il veut faire sans chercher la moindre forme de conciliation ou d'adaptation. Ça pousse à devenir aussi un connard. Oui, c'est ça. À devenir un encore plus gros connard, ou à finalement arriver à se réintégrer à la société, mais en perdant son âme au passage. Oui, parce qu'il y a aussi le côté récompense de la secte, parce qu'on voit à un moment... que la personne qui apprend l'existence du laboratoire, parce que c'est comme ça qu'est appelée l'organisation dans le film, cette personne-là, donc, elle a perdu ses deux phalanges, et en fait, une fois que K est rentré dans le laboratoire lui renvoie l'un de ses deux doigts coupés. Et oui. il peut le remettre, c'est mystique du coup, hein, mais il peut remettre, donc il y a un côté, t'es récompensé, quand tu ramènes une nouvelle victime au laboratoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une sorte de combat pour intégrer des nouvelles, pour parrainer des nouvelles personnes, parce que le docteur de K va très mal prendre qu'il soit passé par son ami pour rentrer dans l'agence, parce que lui, on lui avait promis quelque chose en lien avec sa mère, s'il ramenait quelqu'un. Oui. Donc c'est pour ça aussi qu'il cherche à tout prix à embrigader des gens. Alors j'ai lu des interprétations sur, je ne sais plus où, je crois que c'est sur Wikipédia, qui disait qu'à la fin, l'âme de K réintégrait son corps, mais pour le coup, là, je trouve assez clairement que c'est faillible comme interprétation, parce que avec, en fait, la fin, on est purement dans le parcours de l'âme de K, on suit son esprit, dans un parcours totalement surréaliste, et la fin, l'âme est tuée dans une chambre à gaz. Donc bon, je trouve la métaphore quand même très très claire à ce moment-là, c'est son âme est morte, et ce qui reste après, c'est vide. C'est à ce niveau-là, je trouve le film très clair pour le coup. Je trouve qu'on peut pas réellement l'interpréter autrement. Et même, je trouve que l'imagerie est super intelligente et intéressante, parce que du coup, cette chambre à gaz, donc qui est un endroit clos qui accueille potentiellement oxygène, gaz, tout ça, donc ça pourrait être ce qu'on pourrait qualifier de poumon. Ouais. Et juste avant que la fumée rentre dans cette pièce, le sol s'allume. Donc ça, moi, je l'ai interprété comme la cigarette qu'un fumeur allume. Oui. Tu vois, qui éclaire la pièce, et après t'as la fumée donc de la cigarette qui pénètre le poumon, et c'est à ce moment-là que les âmes s'évaporent. C'est pour ça que pour moi, ce passage-là est très pamphlète anti-tabac. Parce que c'est, tu t'allumes une cigarette, tu crames ton âme, quoi. Ouais, alors moi, pour le coup, je l'ai plus interprété comme une sorte de dernier geste, en fait, plus comme une forme d'ironie, en fait, justement, dans la continuité du fait que c'est un combat de deux personnes super arrogantes, et c'est pour montrer, finalement, que le traitement est pas mieux que le mal initial, finalement, qu'ils sont tous les deux semblables. Parce que je pense pas que, réellement, le film soit autant que ça, un pamphlet anti-tabac, en fait. Mais il y a ça, il y a le passage où le gourou s'exprime, il y a un long passage vraiment où le gourou dit ce que représente la cigarette pour lui. Ouais. Après, voilà. Le gourou étant montré tout le temps comme un personnage quand même super négatif, je veux dire, encore plus que dans la nouvelle de King, c'est pour le coup, là, le gourou, c'est le fils d'Hitler quand même. Je veux dire, quand tu mets un personnage qui est le fils d'Hitler, c'est rarement pour en faire un héros, à part dans les comédies françaises. Oui. Mais... Si vous avez l'occasion de voir Adolfo ou comment se faire réformer de l'asile, foncez, c'est de la bonne. Mais... Pour moi, en fait, justement, c'est pas tant la cigarette. En fait, la cigarette est montrée comme une sale habitude, quelque chose effectivement de potentiellement mauvais pour la santé et qui peut conduire à une forme d'arrogance et de volonté de domination. Mais je pense que ce que veut dire le réalisateur, c'est que c'est pas le pire, quoi. C'est pas ce qu'il y a de pire. Ah oui. Il y a un contrôle social qui est ce qui va finir par tuer l'âme encore plus sûrement que la cigarette. Bah, contrôle social, en plus, qui est lié à l'addiction du tabac, vu le nombre de personnages qui incitent les autres personnages à fumer dès qu'il se passe quelque chose. Mais en fait, tous les personnages incitent les autres à faire ce qu'ils font eux, c'est-à-dire ceux qui sont dans la secte du gourou incitent les autres à arrêter de fumer à tout prix, et ceux qui fument incitent les autres à fumer à tout prix. C'est chacun est bloqué dans son idéologie. on en passe à nos avis, même si on a déjà un peu commencé. Ouais, bah, de toute façon, on est même totalement dedans, en fait. Hein. Oui, vas-y, bah, fais un avis global, voilà, sur ce que t'as pensé. Alors, c'est un film, comme on l'a dit, du coup, qui s'éloigne assez drastiquement de la nouvelle, puisqu'elle ne reprend que le principe de la société en elle-même, donc qui s'appelle là le laboratoire, et le principe des punitions. Voilà, elle reprend que ça. Parce que le personnage principal, on l'a dit, est égocentrique, et égocentrique as fuck, c'est abusé. C'est-à-dire que le mec passe tous ses matins à s'admirer pendant 5 minutes devant la glace. Oui. en allumant des clopes et en regardant comment il est beau quand il fume. C'est incroyable, quoi. Le tabac, c'est sa vie. À ce personnage-là. Et à beaucoup de personnages qui gravitent autour de lui, d'ailleurs. Mais le film s'éloigne de la nouvelle, mais les décisions qu'il prend sont plutôt intéressantes. J'aime beaucoup le fait que, on l'a dit, que le laboratoire, du coup, soit quelque chose de très mystique, qui soit lié à une espèce de secte enfouie sous terre. Vraiment, les mecs, ils sont planqués du monde. Personne ne connaît leur existence. Ça, c'est super intéressant. Le fait que les punitions... pareil, il y a un petit peu de fantastique avec, parce qu'il y a cette séquence juste après son premier passage au laboratoire où il est dans sa bagnole. Il veut allumer une clope, tu vois, mais il hésite. Alors il ouvre le Zippo, il le referme, il ouvre et il le referme. Et au moment où il enclenche la roulette du Zippo pour faire la flamme, t'as son pare-brise qui explose. Oui. Cette scène-là est cool, parce que déjà quand on a lu la nouvelle, on s'y attend pas, parce que la nouvelle n'a aucune once de fantastique. Et c'est très surprenant. Au-delà de ça, les acteurs sont tous plutôt bons. Alors, c'est très perturbant qu'il y ait cette actrice qui ait deux rôles. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucun effort de fait pour qu'il y ait une transformation morphologique ou vestimentaire. Quoi. Ah non, clairement, c'est fait pour que ce soit vraiment voyant. Vraiment, c'est incroyable. Tu fais, mais elle n'était pas censée l'avoir quitté. Alors que non, c'est deux personnages totalement différents, en fait. Donc, sa femme qui l'a quitté, et du coup, qui sort du scénario sur un claquement de doigts. Parce qu'à partir du moment où elle dit « je te quitte », ben on la revoit plus, au final, parce qu'après on revoit plus que la secrétaire. Et cette secrétaire totalement accro à K. Les autres petites particularités, il faut qu'on en parle, c'est ce délire des bulles de pensée. Ouais. À certains moments, il y a des bulles de pensée, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi, et je ne vois pas pourquoi il y en a. Un délire du réalisateur, sans oui, doute. C'est ça. Je pense que c'est juste ça. Hein. Et en fait, voilà, c'est ça qui résume ce film, c'est un délire de réalisateur. C'est pas anxiogène non plus, mais c'est très lunaire, c'est totalement perché, il y a vraiment des passages où tu te demandes ce qui se passe, déjà toute l'intro du film, tu te demandes ce qui se passe, concrètement. Ouais. Pour établir l'intro du film, en fait, c'est le personnage principal qui se réveille en Sibérie ou en Russie, enfin, quelque part comme ça, dans une cabane, enfin, un cabane bunker, où il est entouré de garde, il est prisonnier et entouré de garde. Il demande une clope, quand il demande une clope, on lui tire dessus, on essaie de lui tirer dessus. Déjà, quand il appuie sur la sonnette, t'as une espèce de sonnette avec en fond des espèces de militaires qui parlent avec des accents nazis, tu comprends ouais. Pas ce qui se passe. Et quand il essaie de s'évader, il va courir donc, sur la glace pendant plusieurs mètres, se faire tirer dessus par les soldats, plonger dans une baignoire, oui, qui est là. Ah, juste oui. au milieu de la neige. Dans l'intro, il plonge pas dans la baignoire. Dans l'intro, il récupère le paquet de clopes qui est posé sur la baignoire en couvert de neige. Effectivement, il récupère le paquet de clopes et il se réveille ensuite, lui, dans sa baignoire, chez lui. Voilà. On comprend qu'il était en train de rêver. C'est quand il revit la scène, parce que du coup, le film se conclut avec cette scène-là en effet miroir, qui a quelques différences du coup. Ouais. Là, il décide de plonger dans la baignoire, parce que c'est le conseil que lui donnait son psy au début du film, en disant, la prochaine fois que vous refaites ce rêve, au lieu d'attraper les cigarettes, essayer de plonger dans la baignoire. Vu ce à quoi ça amène, il aurait peut-être mieux fait de fermer sa gueule, le psy, mais ça partait d'une bonne intention. Ou qu'il aurait dû changer de psy, ouais. Peut-être. Mais voilà, c'est un film, avant de te laisser la parole, du coup, sur ton avis, c'est un film vraiment intéressant. Moi, le seul petit reproche que j'aurais, ça serait la réalisation qui, des fois, je trouve un peu plan-plan, même si elle a des moments très réussis. Je la trouve un peu plan-plan, assez proche d'une qualité téléfilm, sans que ça soit non plus péjoratif. Mais c'est quand même un film que j'invite à découvrir, et c'est pour ça que je vais pas en dire non plus trop pour éviter le spoiler, parce que je trouve que c'est un film qui malgré tout est très intéressant à voir pour ce qu'il raconte et pour ce qu'il montre à l'écran. Voilà, je te laisse la parole, Issam. Alors moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, alors j'avais déjà vu des films du réalisateur pour le coup, c'est un des rares réalisateurs indiens que je connais un peu, Et j'ai beaucoup aimé aussi ce film-là. J'ai bien aimé en fait le ton qu'il installe. Il y a à la fois un côté assez surréaliste, c'est un film qui veut te faire réfléchir avec plein de moments assez poétiques ou plutôt menaçants, plutôt sombres. À la limite un peu, ça peut évoquer du David Lynch, on évoque toujours David Lynch quand on parle de surréalisme, mais c'est vrai que ça donne un bon point de comparaison. Mais en même temps, il y a tout un côté très comique aussi dans tout ça, qui je trouve installe un ton assez unique, c'est-à-dire tout ce qui se passe a à la fois cette dimension surréaliste et cette dimension inquiétante, et cet aspect beaucoup plus léger, donc ça va dans le caractère des personnages avec ce héros qui est beaucoup trop égocentrique pour être crédible, quoi. Quand il s'admire devant la glace, c'est pas possible de prendre ça au sérieux, quoi. C'est un baltringue, le mec. Il y a une autre scène, je te coupe, il y a une scène extraordinaire pour montrer que le personnage est vraiment un connard. C'est vraiment, il rentre dans un ascenseur avec une vieille dame dans l'ascenseur. Oui. Il commence à allumer une clope, la vieille dame tousse et lui demande est-ce que vous pouvez arrêter de fumer. Et là, le mec appuie sur le bouton du prochain étage, donc l'ascenseur s'arrête et il dit à la vieille prenez l'escalier. Oui, ça, c'est fabuleux en fait. Cette scène est extraordinaire, quoi. Elle est surréaliste, c'est tellement drôle. Il y a ça, il y a aussi même la scène où il va signer le contrat avec le mec qui lui apporte le contrat en différentes éditions. Le machin, il fait 900 000 pages et il y a la version pour les nuls qui est en mince feuillet. Enfin, c'est extraordinaire, ça. Et il y a plein de moments qui sont vraiment drôles comme ça. Avec, en même temps, tous ces moments drôles ont aussi tendance à avoir des conséquences beaucoup plus graves par la suite, parce que le contrat monumental, ça fait que le héros va pas le lire, et c'est ce qui va faire qu'ils vont pouvoir faire n'importe quoi avec lui ensuite. Et le lit, du coup, à la fin, il le découvre. La consigne d'une roupie, parce que le gourou qui ne demande qu'une roupie en salaire, ça va aussi avoir un effet par la suite, c'est rigolo au début, mais en fait, c'est ce qui va aussi perdre un peu le héros par la suite. Et il y a plein de choses comme ça, le fait qu'il soit fils d'Hitler, au début c'est rigolo, mais après c'est ce qui mène à toute l'imagerie des chambres à gaz et des camps de concentration, qui est pour le coup traité sur un mode beaucoup plus sombre. Et je trouve ça vraiment cool, même les scènes où il veut pousser les gens à fumer, enfin personne fait ça dans la réalité, jamais. Et du coup je trouve que ça a une dimension comique qui pour moi a marché, quoi. Ça m'a bien fait marrer ces moments-là. Personne jamais, ouais. Et donc j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé les chansons, comme je l'ai dit. Au niveau de la réalisation, je suis moyennement d'accord avec toi. Alors les plans sont peut-être relativement simples, mais je trouve qu'il y a un décor énorme, notamment sur les lumières, la photographie et les décors. Pour le coup, les décors, je les trouve vraiment cool dans l'aspect très crade de certains, notamment justement tout le repère de la secte, qui à la fois a l'air de vieux souterrains qui ont 150 ans, et à la fois des trucs super technologiques qui traînent, qui permettent d'y accéder. Il y a un côté labyrinthique aussi dans ces décors, ils ont l'air pas trop possibles au niveau de leur organisation. Je trouve vraiment que ça donne un côté assez intéressant à l'image. Et ouais, les lumières sont souvent très soignées pour le coup. Dans les scènes de boîte, ou même dans les scènes où il est chez lui, il y a beaucoup de travail sur les nuances d'éclairage. À ce niveau-là, je trouve qu'il y a un travail assez poussé quand même, qui fait que la réalisation m'a plutôt bien plu, même si en effet elle reste plutôt simple, pas trop clinquante, elle deviendra parfois un peu plus chargée en effet dans la suite de la carrière du réalisateur, mais déjà là il y a pas mal d'effets d'accéléré, des fois il y a les bulles, enfin il y a des ralentis, il y a quand même pas mal de travail sur la caméra qui fait que je retrouve pas ce côté téléfilm que tu reproches en tout cas. Donc ouais, il y a ce côté délire de réalisateur et ça fait vraiment plaisir à voir, on sent qu'il s'est accordé une vraie liberté, que puisque ces deux précédents films n'étaient pas sortis, il s'est dit bon bah fuck it, au moins je fais ce que je veux, sort pas, au moins je me serai amusé. Et ouais, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé pour ma part. Oui, c'est ça, c'est vraiment un pur délire d'auteur, quoi. Ouais. Avec des, comme tu le disais, les changements de ton, en fait, c'est ça aussi qui est très bien maîtrisé, tout ce qui est rupture de ton. Je me souviens de ce passage où les deux personnages sont... Alors les deux personnages, donc celui, le personnage principal, K, qui retrouve son pote, qui est en fait un pote d'enfance en fait, qui il a commencé à fumer, et on a en flashback cette découverte de la cigarette qui est filmée avec un ton sépia et des rires enregistrés. Oui, façon sitcom, ça est très drôle aussi cette scène. Où en fait les deux sont en train de s'admirer dans la glace, en train de fumer, et dès qu'ils recrachent la fumée, ils rigolent comme deux adolescents qui viennent de faire une bêtise. Et le père qui tambourine à la porte, c'est très drôle comme scène, parce que le père, toi en tant que spectateur, tu t'attends à ce que le père s'imagine que les deux personnages ont une relation homosexuelle, donc que le père va péter un câble, ouais. Parce que société indienne, tout ça, Et en fait, quand le père comprend que les deux en fait ont fumé leur première cigarette, le père est content. Ouais, il est super content, c'est génial. Il les prend tous les deux dans leurs bras. Oh mon fils, ça y est, tu es un homme, tu as fumé ta première cigarette. C'est tellement n'importe quoi. Voilà, c'est une scène qui est plutôt drôle. Et il y en a plusieurs des séances comme ça qui vraiment qui cassent le ton du film. On sent que ça a dû être un bon délire à écrire. Ouais, et puis bah pour le coup le film est tout le temps surprenant, c'est même jusqu'à la fin il reste assez surprenant dans son message, et je trouve qu'il a cette qualité que j'aime bien chez les films, c'est on le comprend pas tout de suite, très clairement, voilà, il y a plein de trucs qui à la fin du visionnage on se dit un peu what the fuck, mais je trouve qu'il donne les clés pour être compris ou interprété au moins en partie, c'est-à-dire pas forcément l'association entre la cigarette et l'écriture, ça elle m'avait échappé avant de lire les interviews, mais le fait qu'il y ait toute une réflexion sur la liberté au moins de penser et d'agir, ça je trouve que c'est assez clair, et la métaphore de la perte de l'âme pour rentrer dans le moule, je la trouve assez claire aussi dans le film, c'est-à-dire c'est pas juste des éléments surréalistes balancés à la tronche sans signification, coucou Nicolas Mindingref, mais là il y a une vraie signification, une vraie pensée, une vraie volonté que le spectateur puisse comprendre en fait. Donc ouais, moi ça a été un gros plaisir ce film pour le coup. Et c'est vrai qu'en final, pour tout ça, c'est du coup c'est un film qui, oui, n'est pas ultra fidèle à la nouvelle de base, mais qui pourtant a parfaitement compris le message de la nouvelle de base. Oui. Voilà, parce qu'on le répète encore une fois, l'important c'est pas d'être fidèle à une œuvre, l'important c'est d'avoir compris l'œuvre que tu adaptes, et du coup, de faire une bonne réinterprétation de l'œuvre que tu adaptes. C'est ça, oui, c'est ça, ou même de pas faire une réinterprétation, c'est-à-dire, si dans la tête du réalisateur, il a juste utilisé la nouvelle comme base, et qu'il a fait complètement ce qu'il voulait après, moi ça me va, tant qu'il fait un truc intéressant. Voilà. Et en l'occurrence, c'est le cas. Ouais. Donc, bon, moi j'ai pas grand-chose à rajouter, mais j'encourage vraiment à le voir. Oui, tout à fait. Alors, il est un peu dur à se procurer, hélas. Il est un peu cher, si vous voulez le payer. Si vous voulez le DVD, ouais, ça va être dur. C'était entre 150 et 100 euros. Voilà, bon, au pire, si vraiment vous le cherchez, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, je vous donnerai les moyens. Voilà. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir passer à un petit comparatif de scène. Ouais. Alors, c'est parti. Gitane, et la dernière, je veux la voir briller au fond. Très bien, donc nous avons choisi une scène de la nouvelle. Donc le héros est arrivé au centre de désintox. On lui a montré déjà un lapin en train de se faire électrocuter dans une pièce isolée, et on va lui expliquer un peu les règles du jeu. Non, monsieur Morrison, c'est vous qui n'avez pas compris. Vous n'avez plus le choix. Quand je vous disais que le traitement était déjà commencé, c'était la stricte vérité. J'aurais pensé que cela était clair dans votre esprit maintenant. Vous êtes fou allié, fit Morrison, incrédule. Non, simplement pragmatique. Il faut que vous sachiez ce que sont nos méthodes de désintoxication. C'est ça, mais soyez bien sûr qu'à peine sorti d'ici, je vais m'acheter 5 paquets de cigarettes et les fumer à la chaîne, le temps de me rendre au commissariat de police. Il se rendit soudain compte qu'il était en train de se ronger l'ongle du pouce et cessa immédiatement. « Comme vous voudrez. Mais je pense que vous changerez d'avis quand vous aurez un aperçu plus complet de la question. » Sans rien dire, Morrison alla se rasseoir et croisa les mains. « Au cours du premier mois de traitement, nos agents vous tiendront sous surveillance constante. Vous en repérerez certainement quelques-uns, mais pas tous. Ils ne vous lâcheront pas d'une semelle, jamais. Et s'ils vous voient fumer la moindre cigarette, ils m'appelleront. » « Et alors je suppose que vous me ferez venir ici pour subir le même sort que le lapin ?» compléta Morrison, tentant de paraître froid et sarcastique, bien qu'il se sentît soudain terriblement mal à l'aise. C'était un vrai cauchemar. « Oh non !» corrigea Donati. « Le lapin de l'histoire, ce sera votre femme, pas vous. » Morrison le dévisagea, interloqué. « Vous allez voir. Attendez !» lui lança Donati avec un sourire. Quand Donati l'eut laissé sortir, Morrison marcha pendant 2 heures dans la plus complète hébétude. C'était une belle journée, mais il n'y prêta pas attention. L'horrible rictus de Donati accaparait toute sa pensée. « Voyez-vous, avait-il dit, un problème pratique qui réclame des solutions pratiques. Soyez bien assurés que, dans cette affaire, nos intérêts convergent. » Selon Donati, Désintox Inc. était une sorte de fondation, une organisation à but non lucratif fondée par l'homme dont Dick avait aperçu le portrait sur un mur. Il avait monté avec succès des affaires dans pas mal de branches, machine à sous, salon de massage, loterie, ainsi qu'un commerce florissant, quoique clandestin, entre New York et la Turquie. Mort Minelli, trois doigts pour les intimes, avait été un gros fumeur, grillant jusqu'à trois paquets par jour. La feuille qu'on le voyait tenir à la main sur la photo portait le diagnostic de son médecin, cancer du poumon. Minelli était mort en 1970 après avoir fait de Désintox Inc. son légataire universel. Le traitement était monstrueusement simple. Au premier écart, on conduirait Cindy dans ce que Donati appelait la pièce au lapin. Au second, ce serait le tour de Morrison. La fois suivante, tous deux devraient y passer. Une quatrième infraction serait sévèrement jugée et appellerait des mesures plus draconiennes. Un agent irait chercher Alvin à son école et recerait le malheureux gosse. Imaginez, lui avait dit Donati sans perdre son sourire, comme ce serait horrible pour cet enfant. Même si on le lui expliquait, il serait incapable de comprendre ce qui lui arrive. Tout ce qu'il saurait, c'est qu'on lui a fait du mal parce que papa a été méchant. Le pauvre serait terrifié. Espèce de salaud, laissa échapper Morrison. Il se sentait au bord des larmes. Ne vous méprenez pas, fit Donati en souriant d'un air compatissant. Je suis bien certain que nous n'aurons pas à en venir là. 40% de nos clients ne font jamais l'objet de mesures disciplinaires et 10% seulement retombent plus de trois fois dans le péché. Voilà des chiffres encourageants, n'est-ce pas ? Mais Morrison se sentait plus terrifié que réconforté. Bien sûr, en cas de cinquième infraction... Que voulez-vous dire ? Donati jubilait. C'est la chambre pour vous et votre femme, une correction pour votre fils et une pour votre femme. Incapable de se maîtriser plus longtemps, Dick se jeta sur Donati par-dessus le bureau. Donati esquiva avec une rapidité stupéfiante pour un homme qui, en apparence, était totalement détendu. Il se recula avec sa chaise et leva les deux pieds de façon à recevoir l'estomac de Morrison. Dick se releva, suffoquant. « Asseyez-vous, monsieur Morrison, » lui conseilla calmement Donati. « Examinons tout cela en gens raisonnables. » Morrison obéit dès qu'il eut repris son souffle. « Les cauchemars ont toujours une fin, non ?» Plus tard, Donati lui avait expliqué que l'échelle de répression de Désintox Inc. comportait 10 degrés. Les sanctions prévues pour les 6e, 7e et 8e échelons impliquaient de nouveaux séjours dans la pièce au lapin, avec accroissement du voltage, ainsi que de plus sévères corrections. La 9e fois, on casserait le bras de son fils. « Et la 10e ?» demanda Morrison, la bouche sèche. Donati secoua tristement la tête. « En ce cas, nous abandonnons, monsieur Morrison. Vous faites alors partie des 2% d'irréductibles. Vous laissez réellement tomber ? Enfin, c'est une façon de parler !» Il ouvrit l'un des tiroirs de son bureau et en sortit un 45 muni d'un silencieux. Même les 2% d'irréductibles cessent définitivement de fumer. Nous le garantissons. Et maintenant, la même scène dans le film, avec des doublages trouvés sur Internet. On ne saurait pas trop vous lire d'où ça sort. Vous verrez bien. Et maintenant, Maroupi. Cache, s'il vous plaît. J'ai rien sur moi. Ok. Ce sera pour la prochaine fois. Vous croyez vraiment que je vais revenir ? Je préférerais que non. Mais tout le monde revient, mon fils. Croisant mon expérience, tout le monde revient. La cigarette, c'est une sale habitude. Allez, suis-moi maintenant. Venez, vous. Allons, mon fils. Ton traitement a déjà commencé. Suis-moi. Et si je refuse ? De me suivre ? Alors comment tu comptes partir ? À partir de maintenant, interdiction de fumer une cigarette. N'y touche même pas. Si jamais tu le fais, à la première cigarette que tu allumeras, on ira chercher ton frère sur son lit d'hôpital pour qu'il nous rende une petite visite. Tu sais ce que c'est ? À une époque, vivait un certain Hitler. Il avait une toute petite moustache à la Charlie Chaplin. Regarde, c'est mon pote, Hitler. C'était son idée de génie, les chambres à gaz. Et la femme là-bas, c'est la mère de ton médecin. Et la fumée, c'est celle des cigarettes. Des milliers de cigarettes que tu as fumées jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à remplir cette pièce, et ton frère devra respirer ça pendant 5 minutes. C'est assez pour faire exploser même des poumons sains. Et je crois que ton frère n'en a qu'un, n'est-ce pas ? Et si tu craques encore, et que tu allumes une deuxième cigarette... Pitié! Pitié, écoutez-moi, monsieur! Je vous jure que jamais je ne... Il tape avec un seul doigt maintenant. Salutations MBBS. Quant à la troisième que tu allumeras, avant de la fumer, mon fils, assure-toi de bien regarder ta femme adorée, parce que tu ne la reverras probablement jamais. Et si tu as encore envie d'en allumer une quatrième, alors chambre à gaz, pour ton frère. Tu l'as survécu la première fois, et sinon ce sera pour ta mère. Tu penseras à bien lui faire tes adieux avant de l'allumer, celle-là. Et si malgré tout ça, tu continues à t'entêter en dépit du bon sens, alors même le plus puissant des rois est impuissant face à un gosse entêté. Fume autant que tu veux, remplis-toi les poumons. Personne ne t'en empêchera. Non. Non. Personne. Parce que mon fils, quand il a une âme, le corps est divin. Mais quand il n'en a plus, il est déjà mort. Il est con. Bon, voilà, enfin, ce moment extraordinaire. Déjà, on soumet nos candidatures à tous les studios de doublage qui voudraient de nous. Hein, on est disponible tout de suite. Et que penses-tu de ces deux scènes dans le film et dans le livre? Alors, déjà, je vais donner mon avis sur celle du livre. Et toi, tu commenceras ton avis avec celle du film. Ouais. Du coup, on va faire comme ça pour cette fois-ci. Dans le livre, en fait, c'est une scène qui est très surprenante parce que quand Dick arrive dans la société, on comprend qu'il est tombé dans un traquenard, juste qu'on comprend pas à quel point c'est grave. Et du coup, la scène a vraiment un petit effet coup de poing, elle est vraiment assez surprenante parce que là, on se rend compte que cette société, Desintox Inc., est prêt à tout pour réussir le défi qu'elle se lance, d'aider les gens à arrêter de fumer, d'aider les gens avec de gros guillemets, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que c'est une scène qui m'a pas mal marqué à la lecture de la nouvelle, parce que c'est là où le côté thriller prend vraiment le dessus sur tout le reste. C'est une scène qui arrive déjà parfaitement, qui s'intègre parfaitement au récit, qui arrive au moment où il faut, qui est très bien écrite, les dialogues sont bien ciselés, Donetti est tellement froid, mais à la fois... il est froid, drôle et effrayant en même temps. Le personnage est parfaitement réussi, il aurait pu avoir sa place en grand antagoniste d'un roman, en fait. Oui. Tellement le personnage est réussi pour cet aspect-là, alors qu'on le voit que dans deux scènes, dans toute la nouvelle. Voilà. Bah c'est si je devais en fait si je devais imaginer un acteur dans son rôle, ce serait soit Javier Bardem, soit Christophe Waltz qui oui. ont ce côté un peu froid mais en même temps assez joyeux. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai soumis cette scène là quand on a pris la décision de choisir quelle scène on voulait aborder. Parce que je pense que c'est vraiment la scène, enfin l'une des scènes les plus marquantes de cette nouvelle. En tout cas, il y en a d'autres, mais celle-là, c'est vraiment celle qui fait rentrer la nouvelle dans un statut vraiment cool à lire. Alors pour le film, en fait, pour le coup, c'est peut-être l'endroit où le film est le plus proche aussi de la nouvelle, sauf que ça le fait de manière encore plus outrée, c'est-à-dire Baba machin avec son noir à longe, c'est un peu un Donati mais en version ultra excessive, c'est-à-dire le mec, c'est un mélange de patron d'entreprise un peu beauf ultra détendu et de gourou mystique ultra menaçant, en fait. Et il a ces deux aspects perpétuellement, c'est-à-dire il peut être en train de parler super calmement à... Enfin, super calmement, super gentiment, plutôt, à K, parce qu'il a un côté toujours très fébrile dans sa manière de parler. Et en même temps, il va lui amener des trucs menaçants, il va totalement l'entourlouper, on dirait presque un vendeur à la sauvette, en fait. Sur, tu sais, sur le marché qui lui vendrait la canne, sauf qu'il y a des types en train de menacer K avec un fusil derrière. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais préciser, c'est qu'il est aussi entouré de grosses brutes épaisses. Quoi. C'est ça, mais alors que lui, il est super bien installé sur son canapé, en train de tout regarder calmement, en fait, lui, il est vraiment en train de faire son petit marché. Et je trouve aussi que la scène est vraiment drôle dans le film, pour le coup, elle reprend bien le côté thriller avec un fond de comédie de la nouvelle. Bah, typiquement, le passage où K commence à, commence à s'affoler et où les trois hommes de main le soulèvent comme s'il s'agissait d'une simple brindille. Oui. c'est très drôle. Puis même la tête de tous les membres, d'où ils sortent tous les membres de sa secte, ils ont des têtes bizarres, on dirait qu'ils sont totalement limite lobotomisés. Et à ce stade-là, dans le film, alors on a dit que la nouvelle c'était le moment où vraiment elle sombre dans le thriller, le film c'est le moment où on a les premières touches, où on comprend qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas, mais vraiment pas de manière rationnelle, parce que déjà il y a eu toute l'arrivée au décor qui ne marche pas, c'est-à-dire l'entrée du souterrain, elle se fait dans une espèce de boutique moisie, et ça sombre de plus en plus. Et là, on commence à voir les âmes perdues, on commence à avoir des touches de trucs où on se dit, il y a quelque chose qui va vraiment pas du tout. Il n'y a pas ça enchaînement. Ouais. Même ne serait-ce que ce gag du fils d'Hitler, on y revient, mais enfin, le gourou, il a une tête d'Indien très marquée quand même. T'as du mal à te dire que Hitler, dans la moindre circonstance possible, on est arrivé à avoir ça comme fils, en fait. C'est ça. C'est ça, et c'est ça qui du coup fonctionne, c'est qu'on a cette scène qui est remplie en fait de rupture de ton à l'intérieur d'elle-même, pour ensuite enchaîner sur plein de scènes un petit peu plus mystiques, parce que c'est après qu'il y a la scène avec le pare-brise qui explose, il y a la scène où il se rend compte que il est un peu suivi et observé par une personne mystérieuse qui a des lunettes, qui le suit un peu partout, et voilà, et les événements fantastiques et mystiques s'enchaînent après ce passage-là. Donc en fait, ouais, dans les deux cas, il y a une rupture au moment de cette scène dans le ton du récit, mais c'est pas tout à fait la même rupture, et c'est ça qui montre bien, enfin qui est intéressant et qui montre bien que Kashyap s'est totalement approprié le récit de base, mais en même temps, on a repris pas mal d'éléments de la structure, en fait, il a vraiment fait ça intelligemment. Mmh, tout à fait. Et ça vous a donné une bonne idée du ton du film. Bon, si vous voulez le voir, encore une fois, on peut tout vous doubler si vous voulez, hein, en échange d'une participation financière. Voilà, il va falloir payer par contre. Mais vous pouvez aussi le voir dans des bonnes conditions, si vous préférez. Enfin, parce que tu ne pourrais pas te dire ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe au classement ? On peut passer au classement. Bah alors, c'est parti. Le classement, comme d'habitude, je m'occupe du classement des livres et nouvelles, et Issam, lui, s'occupe du classement des films. Alors, au niveau des livres, nous avons en trois premières positions, puisque maintenant on commence à en avoir 19, on va arrêter de lire tout le classement. Les trois premiers sont Cimetière, La Part des Ténèbres et Dead Zone, alors que les trois bons derniers sont Le Dentier Claqueur, L'Année du Loup-Garou et Grand Chauffeur. Petite précision, on le répète assez souvent, mais le classement livre est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qualitatif que le classement film. Ouais. Parce que c'est-à-dire que là, il n'y a vraiment qu'à partir de L'Année du Loup-Garou où on est dans le mauvais. Oui, voilà, c'est ça. Le Dentier Claqueur, c'est pas extraordinaire, mais c'est une petite lecture sympathique. Ou classer Desintox Inc. pour son nom VF. Alors déjà, on a toujours ce petit questionnement du fait qu'il s'agit d'une nouvelle, et que c'est compliqué de placer une nouvelle qui manque de développement forcément au-dessus de certains gros romans. Mais quand même, au bout d'un moment, je pense qu'il faut quand même admettre que... Est-ce que ça n'aura pas le mérite d'être un peu plus haut ? Si, pour moi, de toute façon, on l'a déjà fait, hein, classer bien une nouvelle. Après tout, 1408 est bien placé. Tout à fait. Alors pour le coup, je la verrais quand même pas au-dessus de 1408. Non. À comparatif de nouvelles. Mais ça vaut beaucoup plus que Le Fléau. Ouais, bah... ouais, je suis assez d'accord. Je pense que ouais, la place, j'aurais donné la même place entre 1408 et Le Fléau. Donc voilà. L'actuel, ce serait la 11e position. C'est ça. Pas de débat. Pour moi, ça me va. Et bah du coup, Desintox Inc. devient le 11e de ce classement, entre 1408, toujours 10e, et Le Fléau, qui prend du coup la 12e place. Et donc, pour le classement film, nous avons en première position Carrie de Brian De Palma, suivi de Chambre 1408 de Michael Avstrom et de Dead Zone de David Cronenberg. Et aux trois dernières places, Les Démons du Maïs de Donald P. Borchers, Jesse de Mike Flanagan et Le Fléau de Mick Garris. Où verrais-tu ? Et donc là... No Smoking. Bah, déjà, j'ai aucune hésitation, enfin, je pense que vraiment aucune hésitation sur le fait que c'est au-dessus de cimetière. Je vais y aller progressivement pour arriver à la place que je pense. Au-dessus de cimetière, qui est en 8e place. Parce que cimetière, c'est là où, pour moi, on franchit la barre entre les vraiment bons films et ceux qui sont un peu moyens. Ensuite, je trouve que si je réfléchis en termes d'originalité, d'implication, de présence d'un réalisateur et de travail d'adaptation qui est quand même, pareil, pas mal couillu par moment, en fait, pour moi, le débat, et là où j'hésite, c'est est-ce que je lui donne, est-ce que je le mets au-dessus ou en dessous de Chambre 1408. Ah. Pour moi, j'hésite entre deuxième et troisième place. Non, là. Ouais. Au-dessus de Dead Zone, moi, ça me fait quand même mal. Moi, en fait, au-dessus de Dead Zone, ce serait pas. Je les place à peu près au même niveau en termes de qualité. Et je passe un très bon moment devant les deux. Mais on avait eu la même réflexion, en fait, au moment de classer 1408 et Dead Zone. Ouais. C'est la même idée. Il y a un tel travail d'adaptation et une telle originalité à porter. Et là, par rapport à tout, par rapport à la nouvelle et même par rapport à son industrie de cinéma, que pour moi, ça mérite d'être au-dessus de Dead Zone, en fait. Mais je suis à l'écoute de tes arguments. Je réfléchis. En dessous de Chambre 1408, j'ai quand même, je pense que j'aurais quand même plus d'envie et de plaisir à revoir 1408 qu'à revoir No Smoking. Moi, ça me va si on fait ça. C'est un classement, mais pour moi, oui, Dead Zone serait à hauteur égale, quoi. Ouais. En fait, oui, j'ai pas de difficulté à le voir entre Cujo et Dead Zone ou entre Dead Zone et Chambre 1408. Ouais, c'est ça, c'est juste qu'à un moment, il faut faire un choix vu qu'il y a le classement. Et on va dire que No Smoking a plus d'originalité pour lui que Dead Zone. Donc, troisième place. Mais les deux. De toute façon, voilà, à partir du moment où les sept premiers. Les sept premiers films du classement tel qu'il est devant nous sont sept très bons films. Oui, c'est voilà. Ça, jusqu'à Cœur perdu en Atlantide, allez-y sans bon hésiter. Ouais. C'est que du bon film, donc voilà. Donc du coup, on peut dire que les huit premiers, puisque Cœur perdu devient huitième, sont des très bons films. Mais oui, ça me va, du coup, entre Chambre 1408 et Dead Zone. Donc, une nouvelle troisième place à ce premier épisode de la saison 2. Le trio de tête est maintenant constitué de Carrie, Chambre 1408 et No Smoking. Donc, trois films très différents et de trois auteurs assez audacieux, chacun de leur style. Et ben, on se retrouve dans deux semaines pour traiter des Démons du Maïs Runaway, enfin Children of the Corn Runaway, parce qu'il n'y a pas eu de VF sur celui-là. Le troisième épisode de la saga qu'on traite. Ouais, c'est ça, je croyais que t'allais dire le troisième épisode tout court, alors que non. Hein, c'est beaucoup plus... Non, mais non. Oui, le troisième qu'on traite, ça effectivement. Ça doit être peut-être le dixième. Le dixième, ouais, c'est dixième, ça. Voilà. Ah putain. Et en attendant, donc, on se retrouve dans deux semaines, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. @ au gré des bulles pour moi, @ cinémaarchiviste pour toi. Vous pouvez aussi nous retrouver dans d'autres podcasts qui devraient aussi reprendre bientôt, donc Casse sur table, consacré aux nouveautés BD, manga, comics... Et La Guerre des Clapes, consacrée au cinéma en général. Nous présentons ces podcasts avec notre comparse Necronomicor. Vous pouvez également nous retrouver sur Discord. Sur Discord. Les liens seront dans la description, ouais. Si Sam fait bien son travail. C'est toujours bien fait, hein, je suis très professionnel. Et en attendant, nous vous disons à bientôt. Et n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut. Salut.